Chapitre 11e, face à face. Les thugs, de sanglantes mémoires, dont l'Hindoustan semble être délivré, ont laissé cependant des successeurs dignes d'eux. Ce sont les dacoits, sorte de thugs transformés. Les procédés d'exécution de ces malfaiteurs ont changé. Le but des assassins n'est plus le même, mais le résultat est identique, c'est le meurtre prémédité, l'assassinat. Il ne s'agit plus, sans doute, d'offrir une victime à la farouche Kali, déesse de la mort. Si ces nouveaux fanatiques n'opèrent pas par strangulation, ils empoisonnent pour voler. Aux étrangleurs ont succédé des criminels plus pratiques, mais tout aussi redoutables. Les dacoits, qui forment des bandes à part sur certains territoires de la péninsule, accueillent tout ce que la justice anglo-hindoue laisse passer de meurtrier à travers les mailles de son filet. Ils courent jour et nuit les grandes routes, surtout dans les régions les plus sauvages, et l'on sait que le Bundelkund offre des théâtres tout préparés pour ces scènes de violence et de pillage. Souvent même, ces bandits se réunissent en plus grand nombre pour attaquer un village isolé. La population n'a qu'une ressource alors, c'est de prendre la fuite. Mais la torture, avec tous ses raffinements, attend ceux qui restent aux mains des dacoits. Là, reparaissent les traditions des chauffeurs de l'extrême-occident. À en croire M. Louis Rousselet, les ruses de ces misérables, leurs moyens d'action, dépassent tout ce que les plus fantastiques romanciers ont jamais imaginé. C'était au pouvoir d'une bande de dacoits amenée par Kalagani qu'était tombé le colonel Munro. Avant qu'il eût le temps de se reconnaître, brutalement séparé de ses compagnons, il avait été entraîné sur la route de Jubbulpore. La conduite de Kalagani depuis le jour où il était entré en relation avec les hôtes de Stimhouse n'avait été que celle d'un traître. C'était bien par Nana Sahib qu'il avait été dépêché, c'était bien par lui seul qu'il avait été choisi pour préparer ses vengeances. On se souvient que le 24 mai dernier, à Bhopal, pendant les dernières fêtes du Moharram, auxquelles il s'était audacieusement mêlé, le Nawab avait été prévenu du départ de Sir Edward Munro pour les provinces septentrionales de l'Inde. Sur son ordre, Kalagani, l'un des hindous les plus absolument dévoués à sa cause et à sa personne, avait quitté Bhopal. Se lancer sur les traces du colonel, le retrouver, le suivre, ne plus le perdre de vue, jouer sa vie, s'il le fallait, pour se faire admettre dans l'entourage de l'implacable ennemi de Nana Sahib, telle était sa mission. Kalagani était parti sur l'heure, se dirigeant vers les contrées du nord. À Cawnpore, il avait pu rejoindre le train de Stimhouse. Depuis ce moment, sans jamais se laisser voir, il avait guetté des occasions qui ne vinrent pas. C'est pourquoi, pendant que le colonel Munro et ses compagnons s'installaient au sanitarium de l'Himalaya, il se décidait à entrer au service de Mathias Van Guit. L'instinct de Kalagani lui disait que des rapports presque quotidiens s'établiraient forcément entre le kraal et le sanitarium. C'est ce qui arriva, et dès le premier jour, il fut assez heureux, non seulement pour se signaler à l'attention du colonel Munro, mais aussi pour acquérir des droits à sa reconnaissance. Le plus fort était fait. On sait le reste. L'hindou vint souvent à Stimhouse. Il fut mis au courant des projets ultérieurs de ses hôtes. Il connut l'itinéraire que Bank se proposait de suivre. Dès lors, une seule idée domina tous ses actes, arriver à se faire accepter comme le guide de l'expédition lorsqu'elle redescendrait vers le sud. Pour atteindre ce but, Kalagani ne négligea rien. Il n'hésita pas à risquer non seulement la vie des autres, mais la sienne. Dans quelles circonstances, on ne l'a pas oublié. En effet, la pensée lui était venue que s'il accompagnait l'expédition dès le début du voyage, tout en restant au service de Mathias Van Guit, cela déjouerait tout soupçon et amènerait peut-être le colonel Munro à lui offrir ce qu'il voulait précisément obtenir. Mais, pour en arriver là, il fallait que le fournisseur privé de ses attelages de buffles en fût réduit à réclamer l'aide du géant d'acier. De là, cette attaque des fauves, attaque inattendue, il est vrai, mais dont Kalagani sut profiter. Au risque de provoquer un désastre, il n'hésita pas, sans qu'on s'en aperçût, à retirer les barres qui maintenaient la porte du kraal. Les tigres, les panthères, se précipitèrent dans l'enceinte. Les buffles furent dispersés ou anéantis, plusieurs hindous succombèrent, mais le plan de Kalagani avait réussi. Mathias Van Guit allait être forcé d'avoir recours au colonel Munro pour reprendre avec sa ménagerie roulante le chemin de Bombay. En effet, renouveler ses attelages dans cette région presque déserte de l'Himalaya eût été difficile. En tout cas, ce fut Kalagani qui se chargea de cette affaire pour le compte du fournisseur. Il va de soi qu'il n'y réussit point, et c'est ainsi que Mathias Van Guit, marchant à la remorque du géant d'acier, descendit avec tout son personnel jusqu'à la station d'Etawa. Là, Le chemin de fer devait emporter le matériel de la ménagerie. Les shikaris furent donc congédiés et Kalagani, qui n'était plus utile, allait partager leur sort. C'est alors qu'il se montra très embarrassé de ce qu'il deviendrait. Bang s'y fut pris. Il se dit que cet hindou, intelligent et dévoué, connaissant parfaitement toute cette partie de l'Inde, pourrait rendre de véritables services. Il lui offrit d'être leur guide jusqu'à Bombay et de ce jour, le sort de l'expédition fut dans les mains de Kalagani. Nul ne pouvait soupçonner un traître dans cet hindou, toujours prêt à payer de sa personne. Un instant, Kalagani faillit se trahir. Ce fut lorsque Banks lui parla de la mort de Nana Sahib. Il ne sut retenir un geste d'incrédulité et secoua la tête d'un homme qui n'y pouvait croire. Mais n'en eût-il pas été ainsi de tout hindou, pour qui le légendaire Nabab était un de ces êtres surnaturels que la mort ne peut atteindre? Kalagani à ce sujet eut la confirmation de cette nouvelle, lorsque, ce ne fut point un hasard, il rencontra un de ses anciens compagnons dans la caravane des Banjaris. On l'ignore, mais il est à supposer qu'il sut exactement à quoi s'en tenir. Quoi qu'il en soit, le traître n'abandonna pas ses odieux desseins comme s'il eût voulu reprendre à son compte les projets du Nabab. C'est pourquoi Stimaus continua sa route à travers les défilés des Vindhya, et après les péripéties que l'on connaît, les voyageurs arrivèrent sur les bords du lac Puturia, auquel il fallut demander refuge. Là, lorsque Kalagani voulut quitter le train flottant, sous prétexte de se rendre à Jubbulpore, il se laissa deviner. Si maître de lui qu'il fût, un simple phénomène physiologique, qui ne pouvait échapper à la perspicacité du colonel, l'avait rendu suspect et l'on sait maintenant que les soupçons de Sir Edward Munro n'étaient que trop justifiés. On le laissa partir, mais Goumi lui fut adjoint. Tous deux se précipitèrent dans les eaux du lac, et une heure après, ils avaient atteint la rive sud-est du Puturia. Les voilà donc, marchant de concert, dans cette nuit obscure, l'un soupçonnant l'autre ne se sachant pas soupçonner. L'avantage est alors pour Goumi, ce second McNeil du colonel Munro. Pendant 3 heures, les deux hindous allèrent ainsi sur cette grande route qui traverse les chaînons méridionaux des Vindhya pour aboutir à la station de Jubbulpore. Le brouillard était beaucoup moins intense dans la campagne que sur le lac. Goumi surveillait de près son compagnon. Un solide couteau était attaché à sa ceinture. Au premier mouvement suspect, très expéditif de caractère, il se proposait de bondir sur Kalagani et de le mettre hors d'état de nuire. Malheureusement, le fidèle hindou n'eut pas le temps d'agir comme il l'espérait. La nuit, sans lune, était noire. À 20 pas, on n'eût pas distingué un homme en marche. Il arriva donc à l'un des tournants du chemin qu'une voix se fit brusquement entendre, appelant Kalagani. « Oui, Nassim, » répondit l'hindou, et au même moment, un cri aigu, très bizarre, retentit sur la gauche de la route. Ce cri, c'était le Kisri de ces farouches tribus de Gondwana que Goumi connaissait bien. Goumi, surpris, n'avait rien pu tenter. D'ailleurs, Kalagani mort, qu'aurait-il pu faire contre toute une bande d'hindous à laquelle ce cri devait servir de ralliement? Un pressentiment lui dit de fuir pour essayer de prévenir ses compagnons. Oui, rester libre, d'abord, pour revenir au lac et chercher à rejoindre à la nage le géant d'acier pour l'empêcher d'accoster la rive, il n'y avait pas autre chose à faire. Goumi n'hésita pas. Au moment où Kalagani rejoignait ce Nassim qui lui avait répondu, il se jeta de côté et disparut dans les jungles qui bordaient la route. Et lorsque Kalagani revint avec son complice, dans l'intention de se débarrasser du compagnon qui lui avait imposé le colonel Munro, Goumi n'était plus là. Nassim était le chef d'une bande de dacoïtes dévoués à la cause de Nana Sahib. Lorsqu'il apprit la disparition de Goumi, il lança ses hommes à travers les jungles. À tout prix, il voulait reprendre le hardi serviteur qui venait de s'échapper. Les recherches furent inutiles. Goumi, soit qu'il se fût perdu dans l'obscurité, soit qu'un trou quelconque lui servit de refuge, avait disparu et il fallut renoncer à le retrouver. Mais en somme, que pouvait-il craindre ces dacoïtes de Goumi, livrés à ses seules ressources, au milieu de cette région sauvage, à 3 heures de marche déjà du lac Puturia, qu'il ne pourrait, quelle que fût sa diligence, rejoindre avant eux? Kalagani en prit donc son parti, et il conféra un instant avec le chef des dacoïtes, qui semblait attendre ses ordres, puis tous, redescendant la route, se portèrent à grands pas dans la direction du lac. Et maintenant, si ses troupes avaient quitté les gorges des Vindhya, où elles campaient depuis quelque temps, c'est que Kalagani avait pu faire connaître la prochaine arrivée du colonel Munro aux environs du lac Puturia. Par qui? Par cet hindou, qui n'était autre que Nassim, et qui suivait la caravane des Banjari. À qui ? À celui dont la main dirigeait dans l'ombre toute cette machination. En effet, ce qui s'était passé, ce qui se passait alors, c'était le résultat d'un plan bien arrêté auquel le colonel Munro et ses compagnons ne pouvaient se soustraire. C'est pourquoi, au moment où le train accostait la pointe méridionale du lac, les Dacoïtes purent l'attaquer sous les ordres de Nassim et de Kalagani. Mais c'était au colonel Munro qu'on en voulait à lui seul. Ses compagnons, abandonnés dans ce pays, leur dernière maison détruite, n'étaient plus à craindre. Il fut donc entraîné, et à 7 heures du matin, 6 000 le séparaient déjà du lac Puturia. Que Sir Edward Munro fût conduit par Kalagani à la station de Jubbulpore, ce n'était pas admissible. Aussi se disait-il qu'il ne devait pas quitter la région des Vindhya et que, tombé au pouvoir de ses ennemis, il n'en sortirait peut-être jamais. Cependant, cet homme courageux n'avait rien perdu de son sang-froid. Il allait, au milieu de ses farouches hindous, prêt à tout événement. Il affectait même de ne pas apercevoir Kalagani. Le traître avait pris la tête de la troupe et il en était bien le chef, en effet. Quant à fuir, ce n'était pas possible. Bien qu'il ne fût pas garrotté, le colonel Munro ne voyait ni en avant, ni en arrière, ni sur les flancs de son escorte, aucun vide qui eût pu lui livrer passage. D'ailleurs, il aurait été repris immédiatement. Il réfléchissait donc aux conséquences de sa situation. Pouvait-il croire que la main de Nana Sahib fût dans tout ceci ? Non. Pour lui, le nabab était bien mort. Mais quelques compagnons de l'ancien chef des rebelles, Palao Rao peut-être, n'avaient-ils pas résolu de satisfaire sa haine en accomplissant cette vengeance à laquelle son frère avait voué sa vie ? Sir Edward Munro pressentait quelques manœuvres de ce genre. En même temps, il songeait au malheureux Goumi, qui n'était pas prisonnier des Dacoïtes. Avait-il pu s'échapper ? C'était possible. N'avait-il pas tout d'abord succombé ? C'était plus probable. Pouvait-on compter sur son aide au cas où il serait sain et sauf ? C'était difficile. En effet, si Goumi avait cru devoir pousser jusqu'à la station de Jubbulpore pour y chercher secours, il arriverait trop tard. Si au contraire, il était venu rejoindre Banks et ses compagnons à la pointe méridionale du lac, que feraient ceux-ci presque dépourvus de munitions ? Se jetteraient-ils sur la route de Jubbulpore ? Mais avant qu'ils eussent pu l'atteindre, le prisonnier aurait déjà été entraîné dans quelque inaccessible retrait des Vindhya. Donc, de ce côté, il ne fallait garder aucun espoir. Le colonel Munro envisageait froidement la situation. Il ne désespérait pas, n'étant point homme à se laisser abattre, mais il préférait voir les choses dans toute leur réalité, au lieu de s'abandonner à quelque illusion indigne d'un esprit que rien ne pouvait troubler. Cependant, la troupe marchait avec une extrême rapidité. Évidemment, Nassim et Kalagani voulaient arriver, avant le coucher du soleil, à quelque rendez-vous convenu où se déciderait le sort du colonel. Si le traître était pressé, Sir Edward Munro ne l'était pas moins d'en finir, quelle que fût la fin qu'il attendit. Une seule fois vers midi, pendant une demi-heure, Kalagani fit faire halte. Les Dacoïtes étaient pourvus de vivres et mangèrent sur le bord d'un petit ruisseau. Un peu de pain et de viande sèche fut mis à la disposition du colonel, qui ne refusa point d'y toucher. Il n'avait rien pris depuis la veille et ne voulait pas donner à ses ennemis la joie de le voir faiblir physiquement à l'heure suprême. À ce moment, près de 16 000 avaient été franchis pendant cette marche forcée. Sur l'ordre de Kalagani, on se remit en route en suivant toujours la direction de Jubbulpore. Ce ne fut que vers 5 heures du soir que la bande des Dacoïdes abandonna le grand chemin pour se jeter sur la gauche. Si donc le colonel Munro avait pu conserver un semblant d'espoir tant qu'il le suivait, il comprit alors qu'il n'était plus qu'entre les mains de Dieu. Un quart d'heure après, Kalagani et les siens traversaient un étroit défilé qui formait l'extrême limite de la vallée de la Nerbuda vers la partie la plus sauvage de Bundelkund. L'endroit était situé à 350 km environ du Pal de Tandit, dans l'est de ces monceaux de pourra, que l'on peut considérer comme le prolongement occidental des Vindhya. Là, sur un des derniers contreforts, s'élevait la vieille forteresse de Ripor, abandonnée depuis longtemps parce qu'elle ne pouvait être ravitaillée pour peu que les défilés de l'ouest fussent occupés par l'ennemi. Cette forteresse dominait un des derniers saillants de la chaîne, une sorte de redan naturel, haut de 500 pieds, qui surplombait un large évasement de la gorge, au milieu des groupes avoisinantes. On ne pouvait y accéder que par un étroit sentier, tortueusement évidé dans le massif rocheux, sentier à peine praticable pour des piétons. Là, sur ce plateau, se profilaient encore des courtines démantelées, quelques bastions en ruine. Au milieu de l'esplanade, fermée sur l'abîme par un parapet de pierre, se dressait un bâtiment, à demi détruit, qui servait autrefois de caserne à la petite garnison de Riport et dont on n'aurait pas voulu maintenant pour étable. Sur le milieu du plateau central, un seul engin restait de tous ceux qui s'allongeaient autrefois à travers les embrasures du parapet. C'était un énorme canon, braqué vers la face antérieure de l'esplanade, trop lourd pour être descendu, trop détérioré d'ailleurs pour conserver une valeur quelconque. Il avait été laissé là, sur son affût, livré aux morsures de la rouille qui rongeait son enveloppe de fer. C'était bien par sa longueur et par sa grosseur le digne pendant du célèbre canon de bronze de Bilsa, qui fut fondu au temps de Jehangir, énorme pièce, longue de 6 mètres, avec un calibre de 44. On eût pu le comparer également au non moins fameux canon de Bijapur, dont la détonation, au dire des indigènes, n'eût pas laissé debout un seul des monuments de la cité. Telle était la forteresse de Riport, où le prisonnier fut amené par la troupe de Kalagani. Il était 5 heures du soir quand il arriva, après une journée de marche de plus de 25 000. En face duquel de ses ennemis le colonel Munro allait-il enfin se trouver? Il ne devait pas tarder à l'apprendre. Un groupe d'hindous occupait alors le bâtiment en ruine qui s'élevait au fond de l'esplanade. Ce groupe s'en détacha, tandis que la bande des dacoïtes se rangeait en cercle le long du parapet. Le colonel Munro occupait le centre de ce cercle. Les bras croisés, il attendait. Kalagani quitta la place qu'il occupait dans le rang et fit quelques pas au-devant du groupe. Un hindou, simplement vêtu, marchait en tête. Kalagani s'arrêta devant lui et s'inclina. L'hindou lui tendit une main que Kalagani baisa respectueusement. Un signe de tête lui témoigna qu'on était content de ses services. Puis l'hindou s'avança vers le prisonnier, lentement, mais l'œil en feu, avec tous les symptômes d'une colère à peine contenue. On eût dit d'un fauve marchant sur sa proie. Le colonel Munro se laissa approcher, sans reculer d'un pas, le regardant avec autant de fixité qu'il était regardé lui-même. Lorsque l'hindou ne fut plus qu'à 5 pas de lui, « Ce n'est que Balaorao, le frère du Nabab, » dit le colonel. « Ce n'est que Balaorao, le frère du Nabab, » dit le colonel, d'un ton qui indiquait le plus profond mépris. « Regarde mieux !» répondit l'hindou. « Nana Sahib ?» s'écria le colonel Munro, en reculant cette fois, malgré lui. « Nana Sahib vivant ?»« Oui, le Nabab lui-même, l'ancien chef de la révolte des Sipai, l'implacable ennemi de Munro. » Mais qui avait donc succombé dans la rencontre aux pales de Tandit? C'était Balaorao, son frère. L'extraordinaire ressemblance de ces deux hommes, tous deux grêlés à la face, tous deux amputés du même doigt de la même main, avait trompé les soldats de Lucknow et de Cawnpore. Ceux-ci n'avaient pas hésité à reconnaître le Nabab dans celui qui n'était que son frère, et il eût été impossible de ne pas commettre cette méprise. Ainsi, lorsque la communication, faite aux autorités, annonça la mort du Nabab, Nana Sahib vivait encore, c'était Balaorao qui n'était plus. Cette nouvelle circonstance, Nana Sahib avait eu grand soin de l'exploiter. Une fois de plus, elle lui assurait une sécurité presque absolue. En effet, son frère ne devait pas être recherché par la police anglaise avec le même acharnement que lui, et il ne le fut pas. Non seulement les massacres de Cawnpore ne lui étaient point imputés, mais il n'avait pas sur les hindous du centre l'influence pernicieuse que possédait le Nabab. Nana Sahib, se voyant traqué de si près, avait donc résolu de faire le mort jusqu'au moment où il pourrait définitivement agir, et renonçant temporairement à ses projets insurrectionnels, il s'était donné tout entier à sa vengeance. Jamais d'ailleurs, les circonstances n'avaient été plus favorables. Le colonel Munro, toujours surveillé par ses agents, venait de quitter Calcutta pour un voyage qui devait le conduire à Bombay. Ne serait-il pas possible de l'amener dans la région des Vindhyas, à travers les provinces du Bundelkund? Nana Sahib le pensa, et ce fut dans ce but qu'il lui dépêcha l'intelligent Kalagani. Le Nabab quitta alors le pal de Tandit, qui ne lui offrait plus un abri sûr. Il s'enfonça dans la vallée de la Nerbuda, jusqu'aux dernières gorges des Vindhyas. Là s'élevait la forteresse de Riport, qui lui parut un lieu de refuge où la police ne songerait guère à le relancer, lorsqu'elle devait le croire mort. Nana Sahib s'y installa donc avec les quelques hindous dévoués à sa personne. Il les renforça bientôt d'une bande d'acolytes dignes de se ranger sous les ordres d'un tel chef, et il attendit. Mais qu'attendait-il depuis 4 mois? que Calgany remplit sa mission et lui fit connaître la prochaine arrivée du colonel Munro dans cette partie des Vindhias où il serait sous sa main. Toutefois, une crainte s'empara de Nana Sahib. Ce fut que la nouvelle de sa mort, répandue dans toute la péninsule, n'arriva aux oreilles de Calagani. Si celui-ci y ajoutait foi, n'abandonnerait-il pas son œuvre de trahison vis-à-vis du colonel Munro? De là, l'envoi d'un autre hindou à travers les routes de Bundelkund, ce Nassim, qui, mêlé à la caravane des Banjari, rencontra le train de Steamhouse sur la route de Sindhia, se mit en communication avec Calagani et l'instruisit du véritable état des choses. Cela fait, Nassim, sans perdre une heure, revint à la forteresse de Ripor et il informa Nana Sahib de tout ce qui s'était passé depuis le jour où Calagani avait quitté Bhopal. Le colonel Munro et ses compagnons s'avançaient à petite journée vers les Vindhias. Calagani les guidait, et c'était aux environs du lac Puturia qu'il fallait les attendre. Tout avait donc réussi au souhait du Nabab, sa vengeance ne pouvait plus lui échapper. Et en effet, ce soir-là, le colonel Munro était seul, désarmé, en sa présence, à sa merci. Après les premiers mots échangés, ces deux hommes se regardèrent un instant, sans prononcer une seule parole. Mais soudain, l'image de Lady Munro repassant plus vivement devant ses yeux, le colonel eut comme un afflux de sang de son cœur à sa tête. Il s'élança sur le meurtrier des prisonniers de Cawnpore. Nana Sahib se contenta de faire deux pas en arrière. Trois hindous s'étaient subitement jetés sur le colonel et ils le maîtrisèrent non sans peine. Cependant, Sir Edward Munro avait repris possession de lui-même. Le nabab le comprit sans doute, car d'un geste, il écarta les hindous. Les deux ennemis se retrouvèrent de nouveau face à face. Munro, dit Nana Sahib, les tiens ont attaché à la bouche de leur canon les 120 prisonniers de Peshawar, et depuis ce jour, plus de 1200 cipayes ont péri de cette épouvantable mort. Les tiens ont massacré sans pitié les fugitifs de Lahore. Ils ont égorgé, après la prise de Delhi, 3 princes et 29 membres de la famille du roi. Ils ont massacré à Lucknow 6000 des nôtres et 3000 après la campagne du Pendjab. En tout, par le canon, le fusil, la potence ou le sabre, 120 000 officiers ou soldats natifs et 200 000 indigènes ont payé de leur vie ce soulèvement pour l'indépendance nationale. « À mort! À mort !» s'écrièrent les dacoïdes et les hindous rangés autour de Nana Sahib. Le nabab leur imposa silence de la main et attendit que le colonel Munro voulût lui répondre. Le colonel ne lui répondit pas. « Quant à toi, Munro, reprit le nabab, tu as tué de ta main le Rani de Jhansi, ma fidèle compagne. Il n'est pas encore vengé. » Pas de réponse du colonel Munro. « Enfin, il y a 4 mois, dit Nana Sahib, mon frère Balao Rao est tombé sous les balles anglaises dirigées contre moi, et mon frère n'est pas encore vengé. À mort! À mort! » Ses cris éclatèrent avec plus de violence cette fois, et toute la bande fit un mouvement pour se ruer sur le prisonnier. « Silence !» s'écria Nana Sahib. « Attendez l'heure de la justice !» Tous se turent. « Munro, reprit le nabab, c'est un de tes ancêtres. C'est Hector Munro qui a osé appliquer pour la première fois cet épouvantable supplice dont les tiens ont fait un si terrible usage pendant la guerre de 1857. C'est lui qui a donné l'ordre d'attacher vivant à la bouche de ses canons des hindous, nos parents, nos frères. » Nouveau cri, nouvelle démonstration que Nana Sahib n'aurait pu réprimer cette fois. Aussi, « Représailles pour représailles !» ajouta-t-il. « Munro, tu périras comme tant des nôtres ont péri. » Puis se retournant, « Vois ce canon !» Et le nabab montrait l'énorme pièce, longue de plus de 5 mètres, qui occupait le centre de l'esplanade. « Tu vas être attaché, dit-il, à la bouche de ce canon. Il est chargé, et demain, au lever du soleil, sa détonation, se prolongeant jusqu'au fond des Vindhias, apprendra à tous que la vengeance de Nana Sahib est enfin accomplie. » Le colonel Munro regardait fixement le nabab avec un calme que l'annonce de son prochain supplice ne pouvait troubler. « C'est bien, dit-il, tu fais ce que j'aurais fait, si tu étais tombé entre mes mains. » Et de lui-même, le colonel Munro alla se placer devant la bouche du canon, à laquelle, les mains liées derrière le dos, il fut attaché par de fortes cordes. Et alors, pendant une longue heure, toute cette bande d'acolytes et d'hindous vint l'insulter lâchement. On eût dit des Sioux de l'Amérique du Nord autour d'un prisonnier enchaîné au poteau du supplice. Le colonel Munro demeura impassible devant l'outrage, comme il voulait l'être devant la mort. Puis, la nuit venue, Nana Sahib, Kalagani et Nassim se retirèrent dans la vieille caserne. Toute la bande, lasse enfin, quitta la place et rejoignit ses chefs. Sir Edward Munro resta en présence de la mort et de Dieu.